Non, c'est pas pour vous réveiller que j'ai mis le chant de ce coq. C'est un coq brésilien, c'est là qu'on est aujourd'hui au Brésil. Mon nom est Michel Monette et c'est l'émission Les oreilles ailleurs. C'est toujours déchirant de devoir faire des choix, et ce l'est particulièrement dans le cas du Brésil, parce qu'au-delà de la samba, il se fait de la très bonne musique qu'on connaît hélas bien peu. Je peux difficilement passer à côté de Carina Burr, non pas parce que Facebook a censuré la pochette de son dernier album, qui vient tout juste de sortir, on la voit les seins nus, ce qui a valu l'intervention en sa faveur du ministre brésilien de la Culture, mais parce que cet album est une belle réussite musicale. Il s'appelle Selvatica et il est inspiré par les guerrières amazoniennes du Brésil et du royaume du Dahomey. Le Dahomey s'est situé dans le Bénin actuel. Retenez que c'est un réquisitoire féministe de la part d'une artiste qui est aussi actrice et qui n'a pas la langue dans sa poche. On écoute deux pièces de cet album, Nao Precisa, mais pas Curar, mais d'abord Conta Gotas. Derretem águas tristes. cada pedaço meu que se vai. Um pouco do medo sai, e o que fica às vezes me atrai suficientemente pra acordar e depois dormir. Às vezes não, não precisa me procurar mais não. Não preciso, não precisa me procurar mais não. Não preciso, não precisa me procurar mais não. Não preciso. Suficientemente pra acordar e depois dormir. Às vezes não, não precisa me procurar mais não. Não precisa, não precisa me procurar mais não. Não precisa, não precisa me procurar. C'était Karina Bour dans Nao Precisa Me Procurar de son album Selvatica qui vient de sortir et que vous pouvez vous procurer gratuitement sur son site internet. Comme c'est une artiste indépendante et que ce n'est pas facile d'être indépendant au Brésil, vous pouvez aussi l'encourager en finançant sa campagne pour se procurer les fonds suffisants pour, non pas pour la production, mais pour la distribution de son album. Je vous parlais de choix déchirant tantôt. Eh bien, voici un artiste qui m'avait fait faire un choix déchirant le 15 mars 2015. C'était aussi une émission sur le Brésil. J'avais dû retirer cet artiste pour deux temps, tout simplement. Il s'appelle Rafael Castro, un artiste singulier de Sao Paulo. Je me rattrape aujourd'hui en vous présentant deux chansons de lui. D'abord, Caetano Veloso, pardon, précédé de Vibora. Teria sido bem melhor. Tudo. A gente aqui aguardando. A gente nunca esperou. Muro. Até parece premeditado. Juro. Até parece máscara. Ópera. Víbora. Até parece máscara, ópera, víbora, víbora, víbora, víbora. Teria sido bem melhor se você tivesse nos contado tudo. A gente aqui esperando você falar alguma coisa. Você aí na nossa frente. A gente nunca esperou de você essa coisa esquisita de ficar em cima do muro. Até parece premeditado, bem feito de propósito, que você mudou de lado. Juro. Thank you. Caetano. Venha ao nosso show. Todo mundo que gosta de Caetano é amigo nosso. E a gente te convidou. O Caetano tá aí faz tempo, cheio de história pra contar. A gente tá chegando agora com um monte de conta pra pagar. O Caetano Veloso é o Caetano Veloso, e eu sou só eu. Eu sou só eu. Não vá ao show de Caetano. Venha ao nosso show. Todo mundo que gosta de Caetano é amigo nosso. E a gente te convidou. Caetano tá aí faz tempo, cheio de história pra contar. A gente tá chegando agora com um monte de conta pra pagar. O Caetano Veloso é Caetano Veloso, e eu sou só eu sou só eu. Efeitos morais. céu. Patrões cacicados, barões de plantação da nossa armada sem navios e fudeus que a neblina que sinala pra sonhar. será que o que se é uma morada sem mão? On a terminé cette première partie de l'émission avec la pièce Tercera d'un groupe qui s'appelle Super Cordas. Leur album est disponible sur Bandcamp. Petite pause et je vous reviens. CKRL 89.1. Le gros lot du prochain tirage au loto 649 est évalué à 41 millions, en plus du million garanti. Et on rappelle que pas de billets, ben, pas de chance de gagner. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez... Gibor s'en va en guerre, Messe Noire, Sicario, Tout Nouveau Testament et Ville-Marie. Et à ne pas manquer au Musée de la Civilisation... Tout Nouveau Testament et Ville-Marie. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes-annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Bouquinerie Nouvelle Chance est une entreprise d'économie sociale sans but lucratif. Notre mission est de rendre la culture accessible au plus grand nombre. Chez nous, vous trouverez des livres, des vinyles, des DVD et des CD. Bouquinerie Nouvelle Chance peut aussi recevoir vos dons, livres ou disques. Nous offrons même un service de cueillette. Nous sommes situés au 1595 Canardière dans Saint-Pascal. Vous pouvez nous joindre au 418-948-3287 ou encore en consultant notre page Facebook. Du 8 au 18 octobre, Québec reçoit Michel Faubert, Stéphane Crête et la bande de René Lucier dans le cadre de la soirée d'ouverture. Murmures et torrents de la Grande Tortue avec Louis-Carl Picard-Sioui et ses invités. De grands entretiens avec Robert Lepage, Margaret Atwood, Russell Banks, Jean-François Lépine et plusieurs autres. L'opéra Pauline en version concert exclusive. Et de nombreuses autres rencontres, événements et spectacles littéraires. Du 8 au 18 octobre, c'est Québec en toutes lettres. Est de retour à Québec après avoir présenté leur plus récent album Rond-Point à travers le Québec et en Europe. Ne manquez pas votre chance d'assister au spectacle le 23 octobre au Cercle. Billets en vente chez le Knockout, à la billetterie du Cercle et en ligne au pointdevente.com. Pour son édition d'automne, la revue Planche sort ses couleurs. Sous la couverture de Richard Suicide, Simon Labelle surprend par son humour acide et Martin PM offre un récit très recherché sur les rapports entre la politique et les caribous. Pour cette cinquième parution, une nouvelle rubrique voit le jour. Sur l'autre feuille, explore les carnets de croquis de certains auteurs pour offrir un regard nouveau sur leur travail. Pour l'inaugurer, Jimmy Beaulieu dévoile une partie de ce qui lui passe par la tête. La revue Planche, en kiosque dès maintenant. C'est la deuxième partie de l'émission Les oreilles ailleurs. Le bruit de fond que vous entendez provient d'un bar quelque part à Rio de Janeiro. Je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle Free Sounds. Je vais mettre un lien sur le blog lesoreillesailleurs.net pour celui, ce son d'ambiance et les autres que vous entendez aujourd'hui. J'ai dû faire un choix déchirant le 15 mars dernier, alors que je présentais des artistes, aussi des artistes du Brésil. Et un des choix déchirants que j'avais fait, c'est de ne pas faire jouer Lucas Santana. Et il fait partie d'une série d'artistes sur un album que je viens de trouver, qui s'appelle « The New Sounds of Brazil ». Ce n'est pas désétonnant parce qu'on dit qu'il est un des fers de lance du renouveau de la musique brésilienne. C'est un adepte du sample qui s'amuse à déconstruire, puis à reconstruire, à déstructurer, pardon, puis à reconstruire ses mélodies mélancoliques. En voici un bel exemple. Amor meu grande amor. Sem saber se sou fogo ou se sou água. Amor, meu grande amor, me chegue assim bem de repente, sem nome ou sobrenome, sem sentir. Ofereço é meu calor, meu endereço, a vida do teu filho, desde o fim até o começo. Que tudo que ofereço é meu calor, meu endereço, a vida do teu filho, desde o fim até o começo. Amor, meu grande amor, só dure o tempo que mereça. E quando me quiser, que seja de qualquer maneira. Enquanto me tiver, que eu seja o último e o primeiro. E quando te encontrar, meu amor, me reconheça. Que tudo que ofereço é meu calor, meu endereço, a vida do teu filho, desde o fim até o começo. Que tudo que ofereço é meu calor, meu endereço, a vida do teu filho, desde o fim até o começo. seus cabelos. Você nem vai ver, nem vai ver que o seu dia irá mudar de cor. E eu já sei de cor seu tom e todos os meus verbos pra te convencer que as minhas razões são sinceras razões e são as suas também. Sim, sim, sim, eu posso jurar que eu te vi andando no jardim da minha mansão fantasma. Santana s'appelle Sylvia Tappé. On a dit qu'elle fait un son androgyne punk-funk qui est le reflet de l'endroit où elle vit, du quartier urbain où elle vit au centre du Brésil. On va maintenant entendre un ensemble de Sao Paulo de plus de 13 membres qui s'appelle Trupecha de Boldo. Chacun est un univers musical en soi, semble-t-il. Donc, ça fait un son plutôt varié, plutôt éclectique. Ils vont être suivis par Lourdes Daluz, Lourdes Daluz, une des rares rappeuses brésiliennes. On va écouter d'elle la chanson Ping Pong. Mais d'abord, Trupecha de Boldo dans Na Garrafa. Inteiro pra ver se chapa. body, te bate pesado porque eu carro bongue, não bongue, não bongue, assim bongue, bongue. Aqui é na bolinha, fio é ping, pong, ping, pong, ping, pong. Aqui é na bolinha, fio é ping, pong. Aqui é na bolinha, fio é ping, pong. Aqui é na bolinha, fio é ping, pong, ping, pong, ping, pong. Água, sequela, sangue. Pela justiça, tipo as mina do Gulab Gang. Tô ligado que é swag, sei mais o que é swing. Sambando até no reggae é quando a dor se extingue. Nacional igual aos que te fazem beijar o tatame. Pra sempre nessa vida, só fazendo o que se ame. Aqui é sem vexame, se preciso sem massagem. Tenho de tudo um pouco aqui na minha bagagem. Age, bebê, age, droga, seu estilingue. Me arrepia de verdade quando me eu galzinho. Zé, a zica é o enxame, equilibrando o yang. A nossa energia tem efeito bumerangue. E vem comigo nesse ponto, jacarunga. Meu rap é real, numa de sanga, manga. E só vou te ouvir se for sem lenga, lenga. Empunga feito zumbi, ganga, zumba. Beat bate pesado, pique eu cá. Bongue, no bang, não banguei, é sem bang, bang. Aqui é na bolinha, fio é ping, pong, ping, pong, ping, pong. Aqui é na bolinha, fio é ping, pong. Aqui é na bolinha, fio é ping, pong. Aqui é na bolinha, fio é ping, pong. Ping, pong, ping, pong. Aqui é na bolinha, fio é ping, pong. Aqui é na bolinha, fio é ping, pong. Aqui é na bolinha, fio é ping, pong. Ping, pong, ping, pong. Deixa eu tocar a música. Nous sommes dans le métro de Rio de Janeiro et c'est dans cette ville que nous allons terminer l'émission avec une chanteuse qui s'appelle Mamundi. La chanson que j'ai choisie est bien sûr sur l'album New Sounds of Brazil, mais il est aussi sur un album qui s'appelle Setembro. C'est un album qui est sorti en 2013 et qui est offert gratuitement. Cherchez sa page SoundCloud. Mamundi, ça s'écrit M-A-H-M-U-N-D-I. On va entendre d'elle Leve. Thank you. beleza e assim me encantar. Desejo que não vivi, desejo antigo de te encontrar. E que toca a pele que aos ouvidos mostra. C'est tout pour cette semaine. Ici Michel Monnette et je vous dis merci d'être à l'écoute. À la semaine prochaine, l'émission Tout feu, tout flamme suit. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.